Vous écoutez France Culture. Ah non, attends, j'ai oublié un truc. Qu'est-ce que c'était? C'est... Ça paraît des mots, mais c'était pas des mots. De toute évidence, Adam invente alors l'hébreu. Avec la langue. Ah, je sais plus. Je pensais que vous disiez que nous parlions en japonais. Avec la langue. Oh, j'ai joué au bout de la langue, ça m'énerve. Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par Mydia Portis-Guérin. Alors avant, Babel, le langage véritable de Dieu et d'Adam est le chinois. Linguam nostram, in qua nati sumus. Mon métier de linguiste n'est ni de me faire le chantre d'une langue commune, en l'occurrence l'anglo-américain, ni de faire entendre des accents de Cassandre, d'être une Cassandre à cocarde. Avoir sa propre langue comme un trésor et pas comme une prison. Rarement un livre n'est apparu aussi recommandable que celui de Jean-Claude Mathieu, paru chez José Corti, « Écrire, inscrire ». Dans cette étude rédigée de main de maître partageur et sous-titrée « Images d'inscription, mirage d'écriture », Jean-Claude Mathieu, en 632 pages gorgées de citations étincelantes, ranime les inscriptions qui dorment au fond de l'écriture. Je cite l'avant-propos du livre. « Les inscriptions m'ont semblé des révélateurs de l'écriture, qu'elles s'appuient sur leur exaltation ou grandissent sur leur ruine, que l'écrivain les déchiffre ou rêve d'en graver. Évoquées en passant ou recopiées avec soin, ces lettres capitales sont un index pointé vers ce que l'écriture cursive ne dit qu'entre ses lignes. Se dressant, elles imposent la force et l'étrangeté de la langue, ce milieu dans lequel le griffonneur somnambule se dirige à tâtons. » Dans « Obscurité du jour », Jean Tardieu avait écrit « Entre le défi porté à la mort par notre volonté tragique de pérennité, pierre dure, masse de métal, ou reproduction indéfinie de l'éphémère par des moyens mécaniques, et l'attirance fascinante de la disparition qui est notre loi, il faut vivre le contraste mobile et incessant de l'expression qui se refuse elle-même, comme toute vie s'affirme et se nie. » Jean-Claude Mathieu, nous sommes au cœur d'un mystère proprement humain. Tel un animal, l'homme marque l'espace, comme le notait un autre poète, Guy Vic, dans l'inclus, écrire, inscrire, marquer, graver, creuser, garder, pas n'importe où, pas même dans la pierre, dans le bois, rien que l'espace au centre. Mais l'homme, c'est l'animal plus le sens du sacré et la conscience de la mort. Or, écrire et inscrire a intensément à voir avec la mort, Jean-Claude Mathieu. Comme le révélait le jeu de Mallarmé sur grave, première personne du singulier du verbe graver, qui donne en anglais « grave », la tombe. Vous posez ainsi la question, page 363 de votre essai, « Quelle ombre portée la tombe étant-elle sur le livre, Jean-Claude Mathieu ?» Oui, c'est un livre où effectivement la partie la plus importante est la troisième, c'est-à-dire les 10 chapitres qui analysent les différentes formes d'inscription. Et parmi ces formes d'inscription, il est vrai que la pierre gravée, qui n'est pas nécessairement la pierre tombale, nous le savons bien, celle des stèles, par exemple, qui ne sont pas nécessairement tombales, qui peuvent célébrer un empereur romain ou un consul ou une victoire, mais les pierres gravées d'une part et les pierres écrites, dirais-je justement Bonnefoy, ou la pierre sur la tombe, l'épitaphe, appelons-la par son nom, ont un rôle capital, me semble-t-il, mais c'est peut-être une déviation personnelle, ont un rôle capital dans la mesure où on a parfois le sentiment, c'est le sentiment que j'ai eu à la fin du livre, que les autres inscriptions, souvent plus légères, plus effaçables, écrites sur le sable, écrites sur l'eau, écrites sur l'air, etc., se mesurent à l'aune, et on pourrait dire dans l'ombre, de cette inscription principale qui est l'inscription tombale. Et... Là, il y a un mot de Hugo qui m'avait beaucoup frappé, qui me paraît résumer tout ça. Il est dans William Shakespeare, où il dit la poésie a deux oreilles, de mémoire, mais je pense que la citation est exacte. La poésie a deux oreilles, l'une qui écoute la vie, l'autre qui écoute la mort. Ce qui est admirable, évidemment, formule hugolienne. Et je pense que le propre de la poésie, mais de la littérature très souvent, c'est aussi de se tenir sur cette espèce de frontière mitoyenne, qu'on espère poreuse entre les morts et les vivants. La littérature ramène les morts, ce qu'elle entend, ce qu'elle écoute du côté des morts, et en même temps regarde du côté des vivants. Et écrire, c'est d'une certaine façon, en tout cas tous les modernes l'ont pensé, une manière de se tenir sur cette frontière qui permet à la fois d'écouter les bruits qui viennent du côté des morts, et en même temps de voir ce qui se passe du côté des vivants. Mais dans écrire, inscrire, Jean-Claude Mathieu, on voit très bien, grâce à vous, et on en avait quelques idées avant, ce que c'est que la pierre, l'adresse funéraire. Mais cette mort, ou la présence, sinon des morts, de la mort, intervient continuellement, puisque vous écrivez le griffonnage et l'estampille des revenants. Donc il ne s'agit pas seulement de la pierre, mais également même du graffiti. La mort est partout présente. Elle est très souvent présente, c'est vrai. Et là, je faisais allusion au fond, je ne sais plus de qui était ce passage, je ne pense pas que c'est de Joubert, mais l'idée de quelqu'un qui, j'ai donné la citation, j'ai oublié un peu le détail maintenant, de quelqu'un qui, ayant laissé dormir ses manuscrits pendant un certain nombre d'années, les retrouve, les voit réapparaître, et a l'impression que c'est les revenants qui ont écrit cela, parce que ça revient de très loin en arrière. Il avait oublié que c'était lui-même qui l'avait écrit, bien sûr. Maintenant, c'est comme des griffonnages de revenants, c'est vrai. Il y a ce sentiment qui est assez fréquent. Et il y a aussi, là, il y a un très beau roman sud-américain qui a été bien commenté, Pedro Parra, où justement, on a le sentiment que les morts reviennent sans arrêt à travers les murs, à travers les pierres, montent, les voix des morts remontent à travers la terre. Et j'avais cité une phrase qui m'avait... C'est la fin de ce chapitre, justement, sur ce qui est écrit sur les murs. Une phrase qui m'avait beaucoup frappé, qu'avait dite Charles, une des conversations que nous avons eues au Busclage. Je recite, puisqu'elle est, si je puis dire, inédite. Mais il se rappelait des rencontres, puisqu'il allait souvent voir, ou assez souvent voir, à Vézelay, en même temps qu'Yvonne Zervos, Georges Bataille, dont la maison n'était pas très loin, évidemment, de la basilique de Vézelay. Et une phrase qui m'avait paru incroyable, il me rapportait comment Bataille, à un moment, pendant leur conversation, se met contre la paroi de son mur, la paroi intérieure, l'oreille à la paroi, et dit à Char, « Écoute, René, il chante. » C'est-à-dire que dans les murs même, il y a des sons, il y a des chants qui reviennent. Alors là, c'est évidemment très typique, puisque pour Bataille, le sacré était de l'autre côté du mur. Mais mettre l'oreille au mur, c'est entendre quelque chose qui remonte, des morts ou du sacré. En lisant votre livre, je pensais à une citation, je crois qu'elle est de Malraux, qui disait qu'en gros, l'homme cherche à laisser une cicatrice sur la planète. Oui, absolument, sur le monde, oui, tout à fait, oui, sur la planète. Absolument, oui. Ce thème de la cicatrice est effectivement un thème, c'était lié chez Malraux évidemment à l'aspect, hein, je dirais, violent des conquérants, donc l'image même de la cicatrice est une blessure, mais cette cicatrice est importante et on le voit par exemple très bien dans un autre type d'inscription que j'ai étudié dans un autre chapitre, qui est une très vieille inscription, qui est une inscription sur l'écorce des arbres. C'est-à-dire que c'est une inscription très ancienne qui remonte à la Grèce et qui apparaissait là surtout pour louer la beauté. Par exemple, pour l'épithalame d'Hélène, eh bien, on a un poème où on dit « on va inscrire ton nom sur l'arbre ». Et ce que les Grecs écrivaient sur l'arbre, c'était au fond pas autre chose que ceci, « telle personne, Hélène, X ou Y, est beau ou est belle ». C'était la beauté, donc on manifestait ce qui était l'essentiel pour les Grecs, l'éclat des apparences qui était la beauté. Et puis, cela s'est transformé chez les Latins, dans la mesure où on la retrouve beaucoup chez les bergers de Virgile et ailleurs, cette inscription sur écorce. Mais ce qui apparaît maintenant, c'est la plainte, et pas simplement l'éloge, la gloire de la beauté, et ce que ne faisaient pas, au fond, les inscriptions grecques de ce point de vue. Et après cela, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bien plus tard est venue de plus en plus cette idée que cette inscription était vraiment comme une cicatrice de l'arbre. Une gravure qui était une blessure de l'arbre. Donc je rejoins ce que vous disiez à Paul de Malraux. C'est-à-dire que ce qu'on avait pensé d'abord, au fond, qui était l'idée que, et on le trouve dans beaucoup de poèmes à l'époque baroque, chez les Anglais aussi, l'idée au fond qu'on confiait à la durée lente des arbres, et surtout des chênes, des arbres qui duraient longtemps, la durée beaucoup plus fugitive d'un amour ou d'un sentiment. Donc, au fond, on donnait dans l'arbre, on inscrivait jusqu'au cœur de l'arbre la douleur ou au contraire le plaisir d'amour qu'on avait eu pour le faire durer au-delà de nous. Mais c'était encore risqué, bien sûr, puisque l'arbre, lui, n'est pas éternel, mais c'était en tout cas une durée lente. Et ce qui s'est passé, c'est que de plus en plus, on le voit chez un poète que j'ai cité, un poète portugais contemporain, il y a cette idée que l'inscription dans l'arbre est une vraie blessure qui infecte l'arbre. Cicatrice, bien sûr, mais qui infecte l'arbre. Et qui, par conséquent, risque au contraire d'enlever le trop de pureté au poème. Le poème doit, au fond, se construire autour d'une pourriture, d'une impureté, ce qui nous paraît, a priori, paradoxal. Mais il faut qu'un arbre sorte de la blessure elle-même. Non pas qu'une blessure soit faite à l'arbre, mais autour de la blessure elle-même, autour de la putréfaction, la cicatrice, eh bien, naisse le poème. Jean-Claude Mathieu, qui dit blessure, dit souffrance, et vous parlez, vous écrivez à propos du sadisme de l'écriture, rappelant qu'en définitive, à une lettre près, quand vous écrivez le verbe saigner, si vous faites une ptose, une chute de A, on se retrouve avec signer. Oui, ça c'est quelque chose qui est assez ancien, parce que, au moins depuis le début du 19e siècle, sans doute avant, les écrivains ont eu, et les poètes en particulier, le sentiment d'écrire, en fin de compte, sur leur propre corps. Et donc, la griffe qu'ils font à leur corps, et on voit très bien, par exemple, il y a un texte très, très beau de Léris, c'est dans le premier tome de la règle du jeu, où il dit qu'il aurait rêvé, évidemment c'est le Léris qui était aussi un anthropologue, mais il aurait rêvé d'écrire toute son œuvre sur son corps. Ce n'est évidemment pas possible, mais cette idée de se griffer, d'inscrire dans son corps, l'écriture elle-même est une idée très, très profonde, d'écrire sur la peau de ce... Je cite aussi une phrase qui m'a beaucoup frappé, qui est une phrase du poète grec Séphéris, où il dit, ces inscriptions sont toujours des moments de reconnaissance. Tout d'un coup, l'écrivain qui ne sait pas trop ce que sont les traces qu'il a laissées derrière lui, tout d'un coup a une sorte de reconnaissance, je ne dirais pas d'illumination, ce serait excessif, mais dit, au fond, ce que j'ai écrit, cela ressemble à... des traits dans le sable, des tatouages sur le corps, etc., des écorces. Donc, il est vrai que souvent, l'écrivain a eu le sentiment que c'était comme des tatouages sur le corps. Hein. Et Séphéris dit, ce que j'écris, eh bien, c'est dans son journal de bord, ce que j'écris, c'est comme les tatouages que se font les marins ou les amants sur leur propre corps. Ce que j'écris est comme. Les traces, Jean-Claude Mathieu, s'effacent, on l'a dit, mais il y a aussi à voir avec une sorte de retrait. Et là, on retrouve... le sacré, parce que comme Dieu s'est retiré de sa création, et puis on retrouve, c'est très hugolien, l'océan, comme l'océan lui-même s'est retiré pour laisser place à l'essentiel de notre planète aujourd'hui. Et les inscriptions ont à voir avec cela. Oui, c'est-à-dire que les inscriptions ont à voir, je dirais, avec la partie non visible de l'écriture. C'est-à-dire que l'on voit très souvent, et c'est vrai qu'il est bien évident que c'est surtout à partir du 19e siècle que la littérature s'est faite auto-réflexive, mais ce n'est pas du tout du 19e siècle que datent les inscriptions. C'est-à-dire que très souvent, en parallèle, parallèlement, ou s'imbriquant les unes dans les autres, je prenais tout à l'heure l'exemple de l'épigramme grec qui sera important pour Bonnefoy aussi, eh bien il y a eu parallèlement tel ou tel rapport entre l'écriture et l'inscription, sans que pour autant l'une soit la prise de conscience de l'autre. Mais il est vrai qu'au XIXe siècle, et encore plus au-delà de Mallarmé, bien sûr, cette réflexivité de la littérature passe souvent par une réflexion sur les inscriptions elles-mêmes. Et donc l'inscription est un peu ce qui reste en retrait. C'est-à-dire, c'est un peu l'autre côté de l'écriture. Jacques Côté dit, par exemple, les mots ont d'abord été, je cite de mémoire, mais c'est après cela, les mots ont d'abord été en moi, dans ma tête, dans mon esprit, et puis je les écris, et il me semble que c'est de l'autre côté, comme une sorte de figure dans le sable qui s'inscrit. Et donc en même temps qu'il écrit, si je puis dire, sur un recto de la page, au verso de la page, quelque part ailleurs, mais ce verso de la page, ça peut être du sable, ça peut être du bois, ça peut être une matière, la nature même, au verso donc de son écriture, eh bien, il y a quelque chose d'autre qui est de l'ordre de l'inscription, c'est-à-dire quelque chose qui se trouve entre graphie et graphisme, qui est déjà de la figure, qui n'est plus simplement un alphabet. Ça ressemble à des dessins, ça ressemble à des signes, à des lettres, mais pas uniquement à des lettres. Et cela retouche quelque chose, rejoint quelque chose qu'on voit apparaître souvent. Par exemple, quelque chose sur quoi un grand poète comme Roberto Roaros est souvent revenu, c'est-à-dire que l'idée que la poésie, où on trouverait les mêmes choses chez Christian d'Autrebon, de Cobra, la poésie a pour fonction de dire l'autre côté des choses, l'envers des choses. La poésie a rapport à l'envers. Et cet envers, il se marque comme inscription. Et cette mutilation, cette blessure, cet effacement de la trace, oui, renvoie, dites-vous, Jean-Claude Mathieu, à des bribes de ce que serait le langage perdu et la langue adamique. Tout à fait, oui, bien sûr, cette langue adamique sur laquelle, effectivement, alors on a réfléchi depuis le Moyen-Âge, c'est des thèmes alors, tout à fait anciens, mais dont on sait bien qu'après, ils ont tout à fait imprégné à travers tous les siècles, hein, toute la littérature, y compris les formules fameuses de Mallarmé, manque la suprême. Hein. Tout est langue imparfaite, manque la suprême. La suprême, ce serait, saurait été la langue adamique, bien sûr. Et il est vrai qu'un certain nombre d'écrivains ont le sentiment d'écrire, si je puis dire, sur fond de langue perdue. Et quelque chose s'est perdu, et donc j'écris en mesurant mon écrit actuel, mes traces actuelles, mes signes actuels, à la mesure, à l'aune de quelque chose qui a été perdu. Et ça, c'est tout à fait effectivement caractéristique des écrivains, des poètes modernes, ce sentiment de quelque chose qui a été perdu, qui là aurait eu un rapport plus direct avec la réalité des choses. Mais ce que j'ai essayé de dire aussi, c'est que l'inscription ne se ramène pas uniquement à des inscriptions codées, bien repérées, une plaque dans le marbre, etc., ou des graffitis sur un mur, mais que d'une certaine façon, même pour tous les mots, on pourrait dire, pour n'importe quel mot, le poète à la fois écrit et inscrit, ou je dis le poète parce que je suis toujours dans la poésie, mais l'écrivain, disons, mais c'est plus manifeste dans la poésie, l'écrivain écrit et inscrit en même temps, c'est-à-dire qu'il sait qu'il écrit et que quelque part ailleurs, peut-être, quelque chose s'inscrit. Et l'écrivain a des fourmis dans les doigts, écrivez-vous. Et en tête d'un chapitre, vous avez cette phrase extraordinaire, « L'écriture ne tient pas en place ». Et à propos des fourmis dans les doigts, oui, vous citez Aragon, qui pendant très longtemps, écrit-il, au lieu d'entendre « démangeaison », avait entendu « démange les ongles ». Absolument, oui, oui, oui. Et là, ça tient à plusieurs choses. Ça tient, il me semble, à la fois au fait que quand l'écrivain laisse des traces, des signes sur la page, très souvent, il les a comparés à des insectes. C'est constant, on trouve ça chez n'importe qui, chez Audiberti, chez Michaud, chez X ou Y, on pourrait citer 20 textes dans lesquels ces petits signes noirs, qui sont un peu fourmillants, justement, vibrillonnants sur la page, eh bien, ressemblent à des insectes. On le voit très bien chez Michaud, par exemple, dans le texte qui s'appelle « Saisir », lorsqu'il dit qu'il voudrait que ces mots, mais on le voit aussi chez Mandelstam, ces mots aient des sortes de mandibules pour mieux saisir le réel, pour mieux avoir de prise, des griffes. Et donc, cette idée de mots insectes est une idée très fréquente. Par exemple, chez quelqu'un comme Catherine Mansfield, il y a l'image de la mouche qui revient et qui est très, très frappante. La mouche qui est au fond ce qu'elle est en train d'écrire, qui se noie dans la goutte d'encre et qui est tuée, si je puis dire. C'est sûrement un éditeur, mais un personnage dans cette nouvelle, un personnage très dur, qui passe son temps à voir la mouche se dégager de la goutte d'encre et laisser tomber continuellement de nouvelles gouttes, de manière à ce que la mouche se noie jusqu'au bout. C'est l'écrivain noyé par son éditeur, si l'on peut dire, mais c'est sûrement autre chose. Mais il y a continuellement, de même dans le texte de Connaissance de l'Est, il y a cette comparaison de Claudel à une sorte d'insecte pris dans une bulle de pluie. Donc c'est une chose qui est assez fréquente. Donc d'une part, il y a le fait que l'écrivain, souvent, parce que, au fond, c'est des petits condensateurs d'énergie, ces lettres. Et donc, a tendance à comparer ces lettres à des insectes, à des fourmis en particulier. Et d'autre part, il est vrai que l'écrivain est aussi quelqu'un qui a une sorte de mouvement qui traverse son corps et dont il a l'impression qu'il va arriver à son bras. Hein. Je ne sais plus si c'est Julien Green ou je ne sais plus qui disait, ou Jules Renard, non, c'est Jules Renard, qui disait « Je sens la belle phrase qui arrive dans mon bras ». C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment d'être traversé par quelque chose qui va aller jusqu'à l'extrémité des doigts. Et il y a un passage célèbre, qui m'a, en tout cas pour moi, été très, très frappant, très important. C'est un des rêves d'enfant de Michaud, dans les premiers textes de Michaud, quand il écrivait dans le Disque Vert, et où il se rêve, il raconte un rêve d'enfant, où il voit lui-même 4 fourmis qui sortent de l'extrémité de ses doigts. Et la 5e reste à l'intérieur, et ça correspond évidemment aux 5 doigts, la 5e reste à l'intérieur pour veiller sur les œufs qui restent. Mais c'est très frappant, évidemment, pour un écrivain qui voit tout d'un coup Il a des fourmis dans les doigts, mais comme souvent chez Michaud, il prend à la lettre la métaphore. Là, nous étions dans le bestiaire, mais il y a une sorte de manie géologique, comme si l'écriture était une sorte de tourment minéral, à vous lire, Jean-Claude Mathieu. Et en lisant tous ces passages sur l'écrivain et le caillou, le galet, l'alphabet et la pierre, je pensais à l'étymologie du mot scandale. Je crois que c'est, le scandale, c'est, n'est-ce pas, une petite pierre dans la sandale, non, qui... Tout à fait, et, au talon, justement. Oui. Et là, ce n'est pas un scandale, c'est presque une sorte de mini-tremplin, puisque vous allez jusqu'à écrire, à propos des écrivains, « Dis-moi comment tu jettes une pierre, je te dirai quel type d'écrivain tu es. » Oui, c'est un peu une formule qui m'amuse, bien sûr, cette parodie d'un proverbe. Mais je crois que c'est... Dans mon esprit, c'est tout à fait sérieux et, pour moi en tout cas, fondamental. Je pense que l'écrivain, c'est quelqu'un qui jette des mots, exactement comme d'abord, puisque les gestes de l'écrivain, au fond, sont des reprises et des transformations du geste de l'enfant. On incite beaucoup sur cela. Comme l'enfant jetait ses cubes, et parfois apprenait en même temps l'alphabet. Sur ces cubes, il y avait parfois une lettre écrite avec un dessin qui accompagnait la lettre, A, B, C, D, etc. Donc l'enfant est quelqu'un qui a appris à jeter des cubes, non seulement à construire, mais à les jeter. Et l'écrivain est qui, d'une certaine façon, qui a besoin d'inventer une nouvelle langue, une langue à l'intérieur de la langue qui existe, et quelqu'un qui reprend ses lancers. Et là, je distinguais, j'irai vite, au fond, il me semblait deux grandes races ou deux grands types d'écrivains, mais c'est évidemment très simplificateur. Le type d'écrivain qui jette des pierres le plus loin possible, comme par exemple à la fin des planches courbes de Bonnefoy ou dans d'autres textes, pour sonder le gouffre, pour entendre la résonance, comme l'enfant entend, comme on jette une pierre dans un puits, pour savoir si le gouffre est profond, si le puits est profond. Et puis l'autre type d'écrivain, qu'on verrait par exemple chez Michaud ou chez d'autres, je pense à certains textes aussi de Jean-Christophe Bailly qui évoque cela, où l'intéressant, c'est au contraire de faire ricocher la pierre, le plus longtemps possible. Comme si au moment où la pierre cesserait de ricocher après avoir suivi, lancé de la plage et suivi la surface de l'eau pendant un certain temps, elle finissait par tomber dans la mort. Et donc, il faut maintenir la pierre au-dessus de l'eau aussi longtemps que possible. Donc, à cette manière de jeter des pierres, il me semble qu'il y a presque deux types d'écrivains. Celui qui veut sonder le gouffre en lançant dans l'obscur, dans la nuit. Il écoute le bruit, comment ça va revenir. Et puis l'autre écrivain qui, au contraire, lance sur la plage et veut maintenir le plus longtemps possible sa pierre à la surface. Voilà ce que je voulais dire. Il y a différents supports que vous analysez. Une des innombrables citations, c'est une citation de Henri Calais, tirée d'un texte de 1959, « Comment j'ai rencontré les mots ?» On peut écrire au crayon sur une ardoise de pissotière, au moyen d'un clou dans la chaux d'un mur de cellules. C'est alors qu'on exprime l'essentiel. Ou même ne pas écrire du tout, hurler. Je suis de plus en plus pour le graffiti, pour le hurlement. C'est alors que la pensée est cernée au plus près. De plus en plus pour l'instantané photographique, le compte-rendu sténographique d'un monotone débagouli intérieur. Oui, ce sont de très belles phrases d'Henri Calais et qui prenaient la suite, vous en souvenez, j'indiquais dans le même chapitre, de ce qu'il avait fait d'abord en 1945, c'est-à-dire lorsqu'il était allé, chose assez étonnante, au fond, c'est un livre qui n'a pas été tellement réédité. Je ne sais pas si on le trouve actuellement, c'est bien dommage. Un livre qui s'appelait « Les murs de Fresnes », où il était passé en 1945, avant que les inscriptions qu'avaient laissées les prisonniers, qui souvent allaient partir pour les camps allemands à Fresnes, et avaient marqué sur les murs comme des sortes de derniers messages, de dernières inscriptions, dont il savait qu'elles n'atteindraient pas un destinataire, mais il fallait parler au moins avec le mur. Et donc on écrivait sur le mur, et là, Calais avait été très frappé par ces graffitis partout, cette espèce de, justement, de démangeaison, de nécessité absolue d'écrire n'importe où. Il cite même, il y a une belle photo dans le mur de Fresnes, d'une gamelle en étain sur laquelle le prisonnier avait écrit. Donc on écrit partout où on pouvait écrire. Et puis, deux ou trois ans après, revenant à cela, il en fait presque un modèle d'écriture. Au début, c'était simplement une sorte de témoignage qu'il voulait donner en recueillant ses inscriptions sur les murs, comme il y a des inscriptions de prisonniers ou d'enfants. Et puis après, il s'est dit qu'au fond, le graffiti lui-même, l'essentiel, est une sorte de modèle même d'écriture quand elle est réduite à l'essentiel, quand elle est en face de la mort. En face, il ne reste plus rien, il reste juste la possibilité d'écrire un peu des graffitis. Je crois que ça tient au fond, et le cri aussi est important, ça tient au fait que la poésie traditionnellement, je dirais, mais là je simplifie évidemment à l'extrême, mais la poésie, le lyrisme, disons, se tient entre deux pôles extrêmement opposés. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'oracle, la pitié, et je me rappelle des très belles pages de Blanchot à propos du poète russe Kotzovoï, où il dit que la poésie a comme a toujours la voix de la gorge serrée comme la pitié ancienne, la voix de l'angoisse. Hein, donc ça, c'est la voix oraculaire qui est une voix angoissée, une voix serrée. Et puis à l'autre extrémité, il y a le cri. Hein, les murs ont la parole, je crie sur les murs, je crie, j'écris, etc. Et le lyrisme, au fond, se tend entre ces deux extrêmes. S'il ne veut pas devenir trop mou, trop facile, il faut qu'il se tienne un peu entre ces deux pôles. D'un côté, la parole qui arrive difficilement à sortir de la gorge, celle de la pitié, de l'oracle, disons, et à l'autre extrémité, celle qui est celle du cri. Et le chant se tient entre les deux, mais en tenant compte des deux pôles. Je te salue, je te salis ma rue, plutôt. Comment ? Je te salis ma rue. Je te salis ma rue, oui. Ça, j'avais trouvé ça, effectivement, ça a été cité après, mais c'était évidemment une très bonne formule au moment de mai 68 ou des graffitis postérieurs, évidemment. À la fois, c'est intéressant parce qu'à la fois, c'est une sorte de reprise au fond de ce que fait un peu la littérature. De Guy parle un peu de cela, c'est-à-dire à la fois une espèce de profanation du sacré, de la religion. C'est pas « je vous salue Marie », bien sûr, donc c'est une profanation, un acte de profanation, et en même temps, malgré tout, une sorte de resacralisation, puisqu'on salue la rue en la salissant, on lui parle en la salissant. Donc il y a cette espèce de mouvement qui est très caractéristique et dont De Guy dit qu'il devrait être au fond essentiel à la poésie moderne. C'est-à-dire ce mouvement de profanation d'un côté, de resacralisation de l'autre. Nous n'avons pas le temps d'évoquer tous ces supports. Vous en avez parlé de quelques-uns. La pierre, le bois, le seuil et la porte, la ville et la rue, la ville qui se fait stèle. Vous avez un magnifique chapitre sur la vitre et sur le carreau. L'écrivain est d'autant plus attentif à la vitre qu'il peut s'identifier à elle, expliquez-vous. Mais je voudrais qu'on termine avec de l'inattendu, mais nous sommes dans le nec plus ultra de la poésie. Le vent, l'eau, le sable et la poussière, Jean-Claude Mathieu. Oui, c'est un peu plus inattendu. Ce qui est le plus attendu, c'est en réalité le sable, puisque c'est une vieille tradition, on la voit encore chez Molière, je cite Diafoirus à ce propos, qui oppose traditionnellement depuis longtemps ce qui est écrit sur le sable, qu'il est facile d'écrire, à ce qui se grave dans la pierre, qu'il est difficile de graver, mais qui dure effectivement plus longtemps. Donc cette opposition est relativement ancienne, mais c'est vrai que le sable a beaucoup compté et s'est transformé. Ce qui m'a intéressé dans chacune de ces inscriptions, c'est au fond leur transformation historique. Le fait que cette vieille formule, par exemple, du sable, finit par déboucher aussi du côté de la poussière, du côté de la fumée des camps, etc. Donc il y a une sorte de transformation du côté de ce que fait, par exemple, un peintre comme Parmigiani, etc. Donc il y a une sorte de... Dans chacune de ces inscriptions, il y a des transformations, c'est vrai. Et par exemple, ça n'a plus beaucoup de présence, le fait d'écrire sur l'écorce des arbres, ça fait un peu adolescent, ça fait un peu sentimental, si vous voulez. Donc c'était quelque chose qui était lié avec une civilisation qui était plus pastorale, avec des textes qui étaient liés à la pastorale, effectivement. Je mets d'ailleurs au début une citation de Saint-Nazaire, ce qui c'est tout à fait la chose. Mais juste à côté, une autre de Dupin, où il est question d'encoche dans le buis, donc ça reste quand même d'une certaine façon. Mais de ce point de vue, ce qui est frappant, c'est que à partir d'un certain moment, au fond, il a été moins important d'écrire sur que de voir l'écriture de la matière elle-même, je dirais, au XXe siècle. C'est-à-dire que quand on regarde le bois, dans Aurora, par exemple, l'Éris regarde le bois, ce qui l'intéresse, c'est l'écriture que font les nœuds, les fils du bois, etc. Hein? Ou bien encore, Villamatas, qui est un écrivain contemporain barcelonais, Villamatas montre, dit qu'au fond, tel texte de Pérec, décrivant à quelqu'un, un ébéniste qui voit un bois tout vermoulu, décrit ce que fait l'écriture. C'était Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault avec Jean-Claude Mathieu, auteur de Écrire, inscrire, aux éditions José Corti. Prise de son, Michel Mestre. Réalisation, Midia Ortiz-Guérin.